ici. Toi, dont je salue la nuit, ça ne vaut pas la peine de troubler ton sommeil. Que reste ton éveil dans ce rêve parfait? Toi, j'ai plaisir à te voir. Toi, ne serait-ce qu'un regard, regard qui en dit long, long sur combien de touches mon amour et ma foi. La joie dans le velours de nos émois. Toi, toi, qui embellis ma vie. Toi, de tes gestes précis. Ça ne vaut pas la peine de troubler ton sommeil. Que reste ton éveil dans ce rêve parfait? La joie dans le velours.